Comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne. Donc, merci bien à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie, en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Et aussi, l'émission est disponible via archive.org. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, suggestions, même des contacts d'artistes francophones, eh bien, vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Voilà. Eh bien, cette semaine, j'ai eu une moseuse de bonnes nouvelles. Apparemment que Michel Lalonde, ex-leader de la formation Garoulou et aussi La Raquette à Claquette, travaillerait sur un nouvel album. Il travaille sur un nouvel album, Michel. Il va nous proposer de nouvelles chansons, peut-être d'ici juin ou à l'automne prochain. Mais quand même, le fait qu'il travaille sur un nouvel album, je trouve ça merveilleux et c'est une moseuse de bonnes nouvelles. On va se rappeler un beau souvenir de L'Amour fou. Ça s'appelle « Du soleil sur ma guitare ». Par la suite, on va entendre tout simplement « Le pan se plaint » de Billy Love Band. Pourquoi? C'est parce que au franc découverte qui a eu lieu à Montréal, Billy Love Band a été choisi comme choix du public. Donc, c'est vraiment merveilleux pour eux. Et puis, on va finir ça avec « Chant lunaire » de Daniel Groslot de Landry, de l'album du même nom. Excellente chanson également. J'étais caché dans l'ombre, respirant les décombres, sous le poids des années et des rêves fanés. Les années de galère, innocence éphémère. Quand j'ai perdu ma mère, je suis descendu aux enfers. Comme une star oubliée, sous le ciel étoilé, j'aboyais comme un chien, je m'abreuvais de chagrin. Et c'est cent mille histoires, ces conquêtes de soir. J'ai jamais trop su pourquoi je n'avais des yeux que pour toi. T'as mis du ciel partout, du soleil sur ma guitare, comme un soupir de tendresse dans le noir. Tu m'as sculpté de poussière, moi qui t'écoute au fond du verre. Où sont passées les joies du premier jour, les nuits de nos tendres amours. Je me grattais le menton, toujours la même chanson. Je suivais le chemin qui me chantait son refrain. Et puis un soir de pluie, t'as percé mon ennui. Ton éclair de chaleur a chassé ma noirceur. T'as mis du ciel partout, du soleil sur ma guitare, comme un soupir de tendresse dans le noir. Tu m'as sculpté de poussière, moi qui t'écoute au fond du verre. Où sont passées les joies du premier jour, les nuits de nos tendres amours. De sourire, j'étais prêt pour le pire. Quand ton cœur a frappé, le réveil a sonné. J'entendais des esprits, hey, y'a quelqu'un ici. Près de la claire fontaine, j'ai trouvé celle que j'aime. T'as mis du ciel partout, du soleil sur ma guitare, comme un soupir de tendresse dans le noir. Tu m'as sculpté de poussière, moi qui t'écoute derniers jours, les nuits de nos tendres amours, les nuits de nos tendres amours, les nuits de nos tendres amours. Une onde et est disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait donc déplaît à presque toute la nature. Alors qu'un Billy Love fougueuse créature sans façon est dans le coup en chantant, et est lui seul l'honneur de mon temps. Et Junon répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire, qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier d'esprit l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, je t'enlèverai tes figures de style. Hey, car la jalousie est la passion du. Bonnes idées qui sonnent, on ne peut mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Un Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le fer, ces deux-là ils font la paire et ensemble ça déménage. Et tous, oh oui tous, sont contents de leur ramage, sont contents de leur ramage. Thank you. De M. Daniel Groslot-Landry, natif de Sudbury, mais qui demeure maintenant dans la région d'Ottawa. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous a annoncé cette semaine qu'il va participer aux résidences artistiques Les Rencontres qui chantent, accompagné de 11 autres artistes de la francophonie canadienne et internationale. Donc, si vous voulez découvrir son univers, vous allez sur danielgroslot-landry.com. Il est aussi poète, donc vous pouvez peut-être découvrir ses recueils de poésie également. Ça nous a amené ça tout simplement à notre bloc instrumental. Et encore une autre fois, cette semaine, j'ai trois artistes à vous proposer. Des artistes qui font de la musique souvent, qui passent un peu, comme je dirais, on dirait là, un peu dans le beurre, tu sais, parce que c'est instrumental, mais on fait quoi avec ça? On le fait tourner, bien sûr. Et on va y aller tout simplement avec Sean Ferguson, que ça va très bien pour lui aussi du côté de l'Europe. Sean Ferguson, de son album, son tout nouvel album Résilience, eh bien, on va entendre la pièce Apesanteur. Très, très, très bonne pièce. Là, c'est un virtuose à guitare. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Pour un côté plus, comment je pourrais dire, plus world un peu, il y a Éric Saint-Laurent qui est de la région de Toronto, qui lui a sorti un album il y a presque un an de ça, si ce n'est pas deux. C'est l'album, ça s'appelle Planète, et la pièce que je vous propose, c'est tout simplement Polarize. Et vous allez voir, c'est un jazz... un peu plus world beat, un peu plus avec des percussions qui donnent une chaleur un peu latine, mais assez intéressant, merci. Et on va terminer notre bloc instrumental avec New York d'Alexandra Strelitzky de son album Pianoscope, que ça fait au moins un bon 6-7 ans que c'est sorti, ça. Et là, j'ai appris, il y a peut-être un mois de ça, qu'elle travaillait sur un nouvel album Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va nous offrir, cette pianiste de la région de Montréal, je crois, et qui connaît quand même un certain succès avec ses pièces instrumentales. C'est vraiment intéressant. Donc, on va entendre New York. Mais pour l'instant, on y va du côté de la guitare magique de M. Sean Ferguson, de son album Résilience. Voici la pièce « Apesanteur ».